Chapitre 5e. Il remarque sur la place de la Madeleine. « Ce n'est pas à vous qu'il est besoin de dire, reprit le vicomte, que tout avantage se paye. Un cercle est une affaire comme une autre. Elle donne des produits qui doivent servir avant tout à rémunérer ceux qui les procurent. Quand vous apportez à une société une concession quelconque que vous avez obtenue par votre intelligence ou votre influence, cet apport s'estime en argent, n'est-ce pas? Et je suis certain que l'autorisation qui donnerait naissance à notre cercle ne serait pas comptée pour moins de 60 à 75 000 francs. C'est le prix courant. De sorte que les rôles seraient changés. Vous ne seriez plus mon débiteur, c'est-à-dire que la société serait le vôtre. » La scène que le vicomte jouait avec Adeline avait été longuement répétée avec Raphaël. Il avait été convenu qu'en cet endroit, il se ferait un silence de façon à laisser à la réflexion le temps d'agir. Il connaissait la situation d'Adeline comme il la connaissait lui-même et savait quel soulagement serait pour lui la perspective de n'avoir pas à payer cette heure ses 50 000 francs. Ils avaient très bien prévu que l'offre d'un traitement de 3 000 francs ne suffirait pas, par cette raison qu'elle était à terme, tandis que le non-paiement des 50 000 francs qui donnait un résultat immédiat serait ce qu'on appelle au théâtre un effet sûr. Les choses s'exécutèrent comme elles avaient été réglées, et ce fut seulement après un moment de silence que Frédéric reprit. « Je vais au-devant d'une objection que je vois sur vos lèvres. Vous ne voulez pas, vous ne pouvez pas administrer un cercle. » Et cela pour beaucoup de raisons dont une seule suffit. On ne peut administrer que ce qu'on connaît, et je ne connais rien aux affaires d'un cercle. Aussi n'est-il jamais entré dans mon idée de vous donner cette administration. Vous êtes président de notre cercle, comme le comte de Mortemart l'est du cercle agricole, le marquis de Biron du jockey, le duc de la Trémoille du cercle de la rue Royale. Mais vous n'êtes que président, c'est-à-dire quelque chose comme un président de la République ou un roi constitutionnel. L'honneur de notre cercle, à qui vous assurez la stabilité. Vous régnez, mais vous ne gouvernez pas. À côté de vous, sous vous, il y a des ministres. Autrement dit, la gestion financière du cercle s'exerce par une société en commandite représentée par un gérant responsable. Vous et votre comité, composé de hautes notabilités, vous avez la direction du cercle et seul, vous votez sur les admissions, ce qui est une garantie absolue de choix irréprochable. Les questions financières ne vous regardent en rien et n'entraînent pour vous aucune responsabilité, ce qui est le grand point. Vous touchez, vous ne payez pas. » Pour ce couplet, Raphaël ne s'en était pas plus rapporté à l'improvisation de Frédéric que pour le précédent. Il avait été répété aussi, car il importait qu'il fût débité rapidement, enlevé avec feu, de façon à étourdir Adeline et empêcher toute objection. Si son assimilation au président des grands cercles devait agir sur lui, et il n'en doutait pas, c'était à condition qu'on ne lui laissât pas le temps de réfléchir et de comprendre par conséquent qu'il n'y avait aucun rapport entre ces grands cercles, s'administrant eux-mêmes, ne faisant pas de bénéfices, n'ayant pas de président payé, et celui qu'on lui proposait de fonder qui vivrait de sa cagnotte, en enrichissant ses gérants avec l'argent prélevé sur les joueurs. Pour quelqu'un qui aurait connu les cercles, cette assimilation aurait été grossière et ridicule, mais pour ce provincial, elle pouvait passer. C'était un argument comme ceux qu'emploient les avocats, au hasard. Il y avait des chances pour que sa vanité bourgeoise se laissât griser par ces grands noms qu'il se répéterait. « Pour vous rassurer complètement, continua Frédéric, et pour que vous dormiez sur vos deux oreilles, j'accepterai la gestion administrative, mais pas en mon nom. Vous comprenez que je ne veuille pas le mettre en avant dans les affaires, non seulement par respect pour moi-même, mais aussi pour mon père, pour ma famille. Et puis il y a encore une autre raison. Politique, celle-là, et sur laquelle il est inutile d'insister. » Comme Adeline ne répondait rien, et ne paraissait point enlevée par cette offre cependant si tentante, Frédéric lança son dernier argument, celui qui devait briser les dernières résistances. « Il est bien certain que vous ne rencontrerez pas les objections qui ont été opposées à M. de Chalus. »« Hein ? Chalus est occupé de cette création ? » ?»« Il devait demander l'autorisation de notre cercle dont il serait le président. » Et il l'a demandé en effet, mais on la lui a refusée. Vous devinez pour quelle raison. Affaire de parti, tout simplement. On n'a pas voulu le laisser créer un centre de réunion qui devait lui donner une influence dangereuse. Tout d'abord, j'avoue que nous avons été irrités de ce refus, car pour l'amabilité, le charme des manières, l'esprit, l'entrain, nous ne pouvions pas souhaiter un meilleur président que le comte. Mais en réfléchissant, cette irritation s'est calmée et j'avoue, mais tout bas entre nous, que je suis bien aise aujourd'hui, que M. de Chalus n'ait pas réussi. Toute chose a sa contrepartie. L'amabilité du comte eût dégénéré en faiblesse. Il n'aurait rien su refuser, et notre cercle eût perdu le caractère de respectabilité sévère qu'il gardera avec vous. » Ils étaient revenus rue Tronchet devant la porte d'Adeline. Sur ce dernier mot, et sans rien ajouter, le vicomte se sépara de son cher député. « Ouf !» se dit-il en retournant avenue d'Autun. « Si l'affaire n'est pas dans le sac, j'y renonce. Voilà un bonhomme qui certainement dormira moins bien que moi. » En cela, il avait raison, car Adeline ne dormit guère, tandis que lui-même fut percé par le bon et calme sommeil que donne le travail accompli. De tout le flot de paroles qu'il avait enveloppé, un fait se dégageait pour Adeline, si menaçant qu'il ne voyait que lui, l'échéance immédiate de ses 50 000 francs. Elle avait enfin sonné, cette heure qui tant de fois avait teinté à ses oreilles. Ce n'était plus « j'aurai à payer », il se disait, c'était « j'ai à payer ». Comment ? Depuis 2 ans, il avait plus d'une fois accompli le tour de force des commerçants aux abois, de trouver 20 ou 25 000 francs du jour au lendemain pour ses échéances. Et c'était là ce qui précisément le rendait difficile à recommencer. Les sources où il avait puisé s'étaient taries. Il ne pourrait leur demander quelque chose qu'en compromettant plus encore son crédit déjà si ébranlé, et encore sans être certain à l'avance d'obtenir les 50 000 francs qu'il lui fallait. Assurément, si le comte ne lui avait pas parlé de la fondation de son cercle, il n'aurait pensé qu'au moyen de trouver cette somme. Il fallait payer, et à n'importe quel prix, il s'exécutait. Mais Raphaël avait calculé juste, en comptant que le mirage de cette fondation produirait une diversion favorable. Tant de difficultés d'un côté pour se procurer de l'argent, de l'autre tant de facilités pour en gagner. Un mot à dire, un oui, et c'était tout. Non seulement il s'acquittait, non seulement il gagnait un traitement de 36 000 francs par an, mais encore, il se trouvait en position de réaliser son plan, de faire des affaires qui viendraient à lui sans qu'il eût à prendre la peine d'aller les chercher. En dehors de ceux qui vivent de la vie des clubs, on ne sait guère quelle différence il y a entre le cercle qui s'administre lui-même et celui dont la gestion financière s'exerce par un gérant, entre celui qui n'a pas d'autre but que l'agrément de ses membres et celui, au contraire, qui n'a pas d'autre raison d'être que de gagner de l'argent par la cagnotte, entre celui qui est une association d'amis et celui qui est une exploitation industrielle. Mais pour le gros public, ce sont là des nuances. Rien de plus. Un cercle est un cercle pour lui. Tous se valent, ou à peu près. Là-dessus, Adeline était gros public, comme il l'était d'ailleurs pour bien d'autres points de la vie parisienne. Et Raphaël l'avait deviné juste en pensant qu'on pouvait effrontément lui citer quelques grands noms qui l'éblouiraient. Si ceux qui portaient le grand nom acceptaient d'être président, pourquoi lui refuserait-il ? Ce qui pour lui faisait l'honorabilité d'un cercle, c'était celle de ses membres et aussi celle de son président. Puisque les admissions seraient prononcées par lui et par le comité qu'il aurait composé, il n'avait rien à craindre. Il saurait leur garder le caractère de respectabilité sévère dont parlait le vicomte. Entre honnêtes gens, il ne se passe rien que d'honnête. Il n'y aurait donc pas à redouter que son cercle, il disait déjà son cercle, devint un tripot comme ceux dont il avait vaguement entendu parler. Les arguments dont le vicomte l'avait en ces derniers temps accablé, lui rebattant les oreilles jusqu'à l'en étourdir, se représentaient à son esprit, prenant, par cela seul qu'il devenait personnel, une importance qu'il n'avait pas eue jusqu'alors. Comme c'était vrai ce que le vicomte l'avait dit du rôle que Paris jouait dans la crise commerciale, et comme il serait patriotique de s'associer à tout ce qui pourrait faire cesser cette crise. Sans doute, ce serait naïveté de s'imaginer que la fondation de son cercle pût produire à elle seule ce résultat. Mais si une hirondelle ne fait pas le printemps, au moins l'annonce-t-elle. D'autres efforts se joindraient aux siens, l'exemple serait donné, il en aurait l'honneur. Les étapes de Raphaël, à travers la ville, avaient appris à la connaître pratiquement. Il savait que le meilleur moyen d'entraîner les gens dans une faiblesse ou une faute est de leur montrer, au-delà, un but noble ou désintéressé. Adeline ne se fut peut-être pas laissé prendre par le non-paiement des 50 000 francs qu'il devait et par l'appât du traitement de 36 000, mais il devait être enlevé par l'argument commercial. « Quand on est fier de la bêtise qu'on fait, avait-elle dit à Frédéric, on la pousse jusqu'au bout, alors même qu'on voit que c'est une bêtise. » Cependant, malgré la fierté qu'il éprouvait et toutes les raisons personnelles qui s'ajoutaient à ce sentiment, Adeline ne s'était point décidée à accepter les propositions du vicomte, pas plus d'ailleurs qu'à les refuser. Il fallait voir, attendre, s'éclairer, prendre avis de ceux qui savaient ce que lui-même ignorait. De ceux qu'il pouvait consulter à ce sujet, Personne n'était plus autorisé pour lui répondre que son collègue le comte de Chalus, si bien au courant de la vie parisienne. Puisque la présidence de ce cercle lui avait été proposée, il connaissait l'affaire et l'avait pesée avec ses bons et ses mauvais côtés. Il fallait donc l'interroger, ce qu'il fit le lendemain même. « Et vous hésitez ?» s'écria M. de Chalus quand il lui rapportait la proposition du vicomte. « J'avoue que je n'ai pas eu vos scrupules et que, quand l'affaire m'a été proposée, j'ai tout de suite demandé l'autorisation au préfet de police, qui tout de suite me l'a refusé. Est-il indiscret de vous demander les raisons qu'il vous a données pour expliquer son refus ? Pas du tout. Il m'a dit qu'avec moi, pour président, ce cercle deviendrait en quelques mois un tripot, que j'étais trop faible, trop indulgent, trop aimable, que je serais trompé, débordé. En un mot, tout ce qu'on peut trouver quand on ne veut pas donner les raisons vraies d'un refus. Et les raisons vraies ? Vous les devinez sans peine. On ne voulait pas donner un moyen d'influence à un adversaire. Et d'autre part, on ne voulait pas se faire accuser d'accorder à un ennemi une faveur qu'on refusait à des amis. Alors, si vous voulez me prendre dans votre comité, j'accepte. Que vous dire de plus ? Ce que M. de Chalus ne voulait pas dire de plus, c'est que sans être jaloux de Frédéric, il n'avait jamais eu la naïveté d'être jaloux, il commençait à trouver que le vicomte tenait beaucoup trop de place dans la maison de Raphaël, et que le meilleur moyen de se débarrasser de lui était de lui faire avoir un cercle où il passerait ses journées et ses nuits.